Je peux faire des formes, monnaie sous le menton. Sortir les poubelles me tue. Je les ai dans le viseur comme Belmondo. TIM, c'est vrai que l'histoire est belle mais dure. On me demande si ça se passe au fait. Merci bien, je les pêche, je me place au fond. Ah, c'est crado ce qui se passe ici. Tout le ventre se soigne plus avec face au fond. J'ai tout appris seul. Gros fils de pute, écarte-toi de la route. Espèce d'imbécile, retourne charbonner si t'as pas de la haine. C'est violent. Du rire aux larmes, y'a rien de nouveau. Je recherche les violets. À part ça, bah à 9h. Et je suis à l'aise, t'inquiète. Toujours petit pot ou sombrero. Je veux bolide palette. Range-moi ton tache à Sandero. Mon avenir dans le sandar. Des condés qui s'affolent. Comme s'ils avaient trouvé Yankee de Sandero. Ma chérie, je me parais. Je suis poivre en barre. J'ai perdu des potes pour gagner des sous. Ah, je me suis préparé. L'eau ça fait couler taille dans le verre. Pareil même qu'on m'écoute dans le var. En batterie rarement je suis dans le verre. Et ta chère elle voudrait t'en voir. C'est caliente, yeah, yeah. Viens nous voir de la qualité, yeah, yeah. Joueur à d'autres, on s'applique. Tu crapotes, fantastique. On voit rouge comme sur Stabile. Sous Raptor, toi fantastique. Si tu veux ton 10, choisis y'en a 45. La vitesse est limitée quand je suis dans la 45. Hardcore à la mi-temps, je monte sous score, porte avec l'esprit mitigé. Des centres de flics aillent comme me pigeonne. Et si je me gratte le boule, c'est que j'y ai mitigé. Les supports perdent comme un Manhattan. Prêt à filer, je la croque, on amène à temps. Sous bouteille, tu me demandes si j'ai pas la dalle. Y'a du pilon pour la mort, m'amène à temps. Je peux plus faire des voix, mon aise sous le manteau. Sortir les poubelles me tue. Je les ai dans le désert comme Belmondo. TIM, c'est vrai que l'histoire est belle mais dure.